les jours pour tout faire le tour. À Saint-Albert, on veut reconstruire à une vitesse folle. Prenez donc les briques de l'église Saint-Paul. Élection et démission me donnent le blues. Kathleen Wynne met Benoît Saint-Zelouz. À Saint-Valentin, l'ex de Patrick Bozo voulait y offrir une heure avec Justin Trudeau. Le fils de Pete l'aurait rapidement mis KO. J'ai bien hâte de voir son match contre Marc Arnaud. 28 jours pour tout faire le tour. Eric Carlson va de retour au secours. Les prestataires d'assurance emploi recevront des visites des amis d'Ottawa. Ouais. Bonjour, je suis Stephen Harper. OK. C'est bien beau chez vous. Merci. Ben là, entrez, là, ça a l'air. Je viens juste voir ce que vous faites avec vos chèques, là. OK. Je vous sers quelque chose pour dîner. Merci, qu'est-ce qu'on mange? Ben là, quelque chose de pauvre en vitamines, pauvre en calories, pauvre en nutrition. Hey, de la vraie bouffe de pauvre. Je pensais que ça existait juste dans les cafétérias d'école. Tenez. Un verre d'eau? Ouais. Il est même pas plein. Ah, vous trouvez qu'il y a pas assez de liquide? Yeah. Là, vous savez comment je me sens quand j'encaisse vos chèques à cette heure. Avant le chômage, vous étiez employé où, vous? À CCN, mon tabarnak. Les sans-emplois, préparez votre CV. Au Vatican, y a un poste à combler. Le candidat doit être prêt à changer de nom. Comment est-ce qu'il va s'appeler? Benoît 17, Jean-Paul 3, Rocky 5 ou matricule 728? 28 jours pour tout faire le tour. Mini auto. On dit bye bye à cette noire et au bronzage des mineurs. Adieu à deux nuisances de même couleur. Ah, moi je me fais bronzer, mais je me tiens loin des cigarettes, par exemple. Ça donne le cancer. Ouais, c'est super, là, mais c'est-tu normal qu'à moins d'un mètre de toi, il fait 5 degrés plus chaud puis mon cellulaire se recharge tout seul? Ouais, c'est pour ça que j'ai coupé à seulement 3 sessions de bronzage par jour. OK, puis le buzz que tu produis... Ah, toi aussi t'entends mon acouphène? Mais j'entends que tu sonnes comme un bouquet de bâtons d'uranium. Ouais, mais avoue que j'ai un beau teint, hein? Ah, t'es irradieuse. La météorite dans le ciel de Russie, c'est même pas là-bas qu'elle a atterri. Wow, attention, hein! Ah! Direct dans le boulevard de la Vérandrie! 28 jours pour tout faire le tour. Et avant que vous deveniez sourd,